Chapitre 29. La Sainte parle, dans le récit de cette fondation, des éminentes vertus de l'évêque d'Osme, qui la porta principalement à l'entreprendre. Lorsque j'étais encore à Palence pour la fondation dont je viens de parler, on m'apporta une lettre de l'évêque d'Osme, auparavant nommé le docteur Velasquez. J'avais communiqué avec lui lorsqu'il était chanoine et théologal de la grande église de Tolède, parce que, sachant qu'il était fort savant et grand serviteur de Dieu, et ayant toujours quelques craintes, je l'avais empressé de prendre soin de ma conduite, qu'encore qu'il fût extrêmement occupé, néanmoins voyant le besoin que j'en avais, il m'avait fait cette charité d'une manière très obligeante. Ainsi il me confessa durant tout le temps que je demeurais à Tolède, qui fut assez long, et lui ayant découvert, avec ma sincérité ordinaire, le fond de mon âme, ses conseils me furent si utiles, que ces craintes qui me donnaient tant de peine commencèrent à se dissiper, à cause qu'il me rassurait par des passages de l'Écriture sainte, qui est ce qui me touche le plus, lorsque je sais que celui qui les rapporte est capable et homme de bien. Il m'écrivait cette lettre de souris, et me demandait qu'une dame qu'il confessait lui avait parlé de faire une fondation de religieuses de notre ordre, qu'il avait approuvé son dessein, et lui avait dit qu'il ferait en sorte que j'irais établir ce monastère. Il ajoutait que si j'entrais dans son sentiment, je le lui fis savoir, afin qu'il m'envoyât chercher. Cette nouvelle me donna de la joie, parce que, outre que cette fondation me paraissait avantageuse, j'avais un si grand respect, et une si grande affection pour ce prix-là, et je m'étais si bien trouvé de ses avis, que je désirais de le voir pour lui communiquer des choses qui regardaient ma conscience. Cette dame se nommait Béatrix de Véhémont de Navarre, à cause qu'elle descendait des rois de Navarre, et elle était fille de François de Véhémont, illustre par le rang que lui donnait sa naissance. Après avoir passé quelques années dans le mariage, elle était demeurée veuve sans enfant, et avec beaucoup de biens, et il y avait déjà longtemps qu'elle désirait fonder un monastère de religieuses. En ayant parlé à ce bon évêque, il lui apprit qu'il y avait des carmélites de l'ordre de la Sainte Vierge, et cette religion lui plut tellement, qu'il le pressa très instamment de lui donner le moyen d'exécuter promptement son dessein. C'était une personne de fort douce humeur, généreuse, pénitente, et, pour tout dire en un mot, qui avait beaucoup de piété. Elle avait dans Sory une maison bien bâtie et en belle assiette. Elle promit de nous la donner, avec ce qui serait nécessaire pour nous y établir, et non seulement elle l'exécuta, mais elle y ajouta une rente de 500 ducats, rachetable au denier 20. L'évêque, de son côté, offrit de nous donner une assez belle église voûtée, qui était une paroisse proche du logis de cette dame, d'où l'on pourrait y aller aisément, en faisant un petit passage, et il lui était facile de nous accorder cette grâce, parce que cette paroisse était fort pauvre, et qu'en ayant plusieurs dans la ville, il pouvait la joindre à quelque autre. Sa lettre portait tout ce que je viens de dire, et notre père provincial, s'étant rencontré à Palence, je lui en parlai, ainsi qu'à plusieurs de nos amis. Tout juger à propos, puisque la fondation de Palence était achevée, que j'écrivis que je me tiendrais prête pour partir, et j'avoue que cette affaire me donna beaucoup de joie, pour les raisons que j'ai dites. On ne tarda pas de m'envoyer chercher par un homme qui était fort propre pour nous conduire. Et comme cette dame désirait que l'on menât le plus de religieuses possible, j'en fis venir sept. Et j'avais aussi ma compagne et une sœur converse. Je menai aussi, ensuite de l'avis que j'en avais donné, de religieux carmes déchaussés de notre réforme, dont l'un était le père Nicolas de Jésus-Marie, Genevois, qui est une personne très sage. Il avait, à mon avis, plus de 40 ans lorsqu'il prit l'habit, ou au moins il les a à présent, et il n'y a pas longtemps qu'il l'a pris, mais il a tant profité en ce peu de temps, qu'il paraît que Dieu l'a choisi pour rendre de grands services à l'ordre, car il a extrêmement agi durant nos persécutions, lorsque les autres qui en auraient été capables ne le pouvaient, les uns étant exilés, et les autres prisonniers, sans que l'on pense à lui, parce que ne faisant presque que d'entrer dans l'ordre, il n'avait point encore eu de charge, et Dieu le permettait ainsi, sans doute, afin que ce secours me restât. Il est si discret, qu'étant à Madrid, dans la maison des mitigés, comme pour d'autres affaires, il ne parlait jamais que des nôtres, et ainsi on le laissait en repos. J'étais alors au monastère de Saint-Joseph d'Avila. Nous nous écrivions souvent, dans le besoin qu'il y avait de se communiquer l'état des choses, et je lui donnais, ce qu'il disait, beaucoup de consolation. On peut juger par là dans quelle extrémité notre ordre se trouvait réduit, faute de bons sujets qui puissent agir, puisque l'on me comptait pour quelque chose. Je reconnus en tant de rencontres, dans ces temps si fâcheux, la grande vertu et la prudence de ce bon père, que c'est l'un de tous ceux de notre ordre que j'estime et que j'aime le plus en notre Seigneur. Lui et un frère les nous accompagnèrent dans ce voyage, et nous n'y souffrîmes pas de grandes incommodités, parce que celui que l'évêque avait envoyé pour nous conduire prenait un grand soin de bien nous loger, et qu'il ne nous manqua rien. De plus, ce prélat est tellement aimé dans son diocèse, que pour être bien reçu partout, il suffisait que l'on sût l'affection qu'il nous porte. Le temps était aussi très favorable, les journées petites, et je ne pouvais, sans en ressentir une extrême joie, entendre de quelle manière chacun parlait de la sainteté de leur évêque. Nous arrivâmes à Burgos le mercredi, veille de l'octave du Saint-Sacrement. Nous y communiâmes le lendemain, et nous fûmes contraintes de nous y arrêter le reste du jour, parce qu'il n'en restait pas assez pour pouvoir arriver à Sori. Comme il n'y avait point de logement, nous passâmes la nuit dans une église, et cela ne nous fut point pénible. Le lendemain, après avoir entendu la messe, nous continuâmes notre voyage, et nous arrivâmes à Sori sur les 5 heures du soir. Le logis du Saint-Évêque se rencontrant sur notre chemin, il nous donna sa bénédiction de sa fenêtre, d'où il nous voyait passer, et cette bénédiction venant d'un si excellent prélat, j'en reçus une grande joie. Notre fondatrice nous attendait à la porte de son logis qu'elle destinait pour la fondation du monastère, et la multitude du peuple était si grande qu'à peine pûmes nous y entrer. Mais cette incommodité nous est ordinaire, parce que le monde est si curieux de voir des choses nouvelles, qu'en quelque lieu que nous allions, il s'assemble tant de gens pour nous regarder, que si nous n'avions pas nos voiles baissées, cela nous serait fort pénible. Cette dame avait très bien fait préparer une grande salle pour dire la messe, en attendant qu'on eût fait le passage qui nous donnait le moyen d'aller l'entendre à l'église que l'évêque nous avait accordée, et dès le lendemain, qui était le jour de la fête de notre Saint-Père Élisée, on l'a dit dans cette salle. Cette même dame avait aussi tellement pourvu à tout ce qui nous était nécessaire, que nous ne manquions de rien, et elle nous donna un appartement séparé où nous demeurâmes retirés jusqu'à la fête de la Transfiguration, que le passage fut fait. Ce même jour on dit la première messe dans l'église avec beaucoup de solennité. Il y eut un grand concours de peuple, et un père de la Compagnie de Jésus prêcha. L'évêque ne s'y trouva pas, parce que, ne se passant pas un seul jour qu'il n'emploie dans les fonctions de sa charge, il avait été obligé d'aller à Burgos, quoiqu'il ne se portât pas bien, et qu'il vint de perdre un œil. Cet accident me fut très sensible, considérant combien précieuse est une vue tout employée, comme la sienne, en service de l'Église. Mais ce sont de ces secrets jugements de Dieu qu'il ne nous appartient pas d'approfondir, par lesquels il augmente le mérite de ses serviteurs, en leur donnant des occasions de conformer leur volonté à la sienne. Ainsi ce saint prélat ne laissait pas de continuer à travailler comme auparavant. Il m'a dit qu'il n'avait pas été plus touché de la perte de cet œil, qu'il l'aurait été d'avoir vu arriver cet accident à un autre, et qu'il pensait quelquefois que quand il serait aveugle il ne s'en affligerait point, parce qu'il se retirerait dans quelque ermitage où rien ne pourrait le détourner de servir Dieu. Il avait une si grande inclination pour cette sorte de vie, qu'avant qu'il fût évêque je le voyais souvent presque résolu de tout quier pour l'embrasser, et j'en avais de la peine, à cause que le croyant capable de rendre de grands services à l'Église, je le souhaitais dans la dignité où il est aujourd'hui. Néanmoins, lorsque j'appris qu'il avait été fait évêque, cette nouvelle me troubla si fort dans la vue de la pesanteur d'une telle charge, que je ne pouvais m'en consoler. Je m'en allai dans le cœur recommander l'affaire à Dieu. Dieu rendit le calme à mon esprit, en me disant qu'il serait très utilement servi de lui, et les effets l'ont fait connaître la vérité de ses paroles. Cette incommodité de la vue, et d'autres fort pénibles, jointe à un travail continuel et à une très grande simplicité dans sa nourriture, n'empêche pas ce saint prélat de jeûner 4 fois la semaine, et d'y ajouter plusieurs pénitences. Il fait ses visites à pied, et va si vite que quelques-uns de ses domestiques m'ont dit ne pouvoir le suivre. Il ne souffre dans sa maison que des personnes vertueuses, il ne commet guère d'affaires importantes à ses proviseurs, et je crois qu'il n'y en a point dans lesquelles il n'agisse lui-même. Durant les 2 premières années de son épiscopat, il s'éleva contre lui de très grandes persécutions, et je ne pouvais assez m'étonner que l'on osât l'accuser si faussement, sachant avec quelle exactitude il rend la justice. Cet orage est maintenant cessé, car, encore qu'il n'y ait rien que ses ennemis n'aient dit contre lui, dans les voyages qu'ils ont faits exprès à la cour, sa vertu est si connue dans tout son diocèse, que l'on n'a point eu d'égard à leur calomnie. Il les a souffert d'une manière si chrétienne, qu'il les a couverts de confusion en leur rendant le bien pour le mal, et je ne dois pas oublier que ses occupations continuelles ne l'empêchent pas de prendre toujours du temps pour faire raison. Quoi qu'il semble, mes sœurs, que je me sois laissé emporter au plaisir de parler des vertus de ce saint évêque, j'en aurais pu dire, avec vérité, beaucoup plus. Ce que j'en ai rapporté n'est que pour faire connaître quelle a été la principale cause de la fondation du monastère de la Très Sainte Trinité, de Sorie, afin que, comme les religieuses qui y sont maintenant en ont de la joie, celles qui leur succéderont en aient aussi. Ce grand prélat, si vertueux en toute manière, n'a pu donner la rente qu'il nous avait promise, mais il nous a donné notre Église, et a inspiré à cette dame le désir de faire cette fondation. Après avoir pris possession de l'Église, et que nous eûmes achevé ce qui était nécessaire pour notre clôture, je me trouvai obligé d'aller en diligence au monastère d'Avila, quoique la chaleur fût grande, et le chemin fort mauvais pour des chariots. Un prébendier de Palence, nommé Ribera, qui m'avait extrêmement assisté dans le passage pour aller à l'église, et en d'autres choses, vint avec nous, parce que le père Nicolas de Jésus-Maria s'en était retourné aussitôt que tous les actes nécessaires pour la fondation que nous venions de faire furent passés, et que l'on avait ailleurs grand besoin de lui. Ce prébendier avait quelques affaires à Sorie qui furent cause qu'il nous y accompagna et Dieu lui donna depuis tant d'affection pour nous, qu'il nous oblige de le mettre au nombre des bienfaiteurs de notre ordre, et de le recommander à sa divine majesté. Je ne voulus être accompagné, à mon retour, que de lui et de ma compagne, parce qu'il est si soigneux que cela me suffisait, et que je ne me trouve jamais mieux dans les voyages que lorsqu'on les fait avec peu de gens, et par conséquent avec peu de bruit. Je payais bien à ce retour la facilité que j'avais trouvée en allant, car encore que celui qui nous conduisait sût assez bien le chemin ordinaire de Ségovie, il ignorait celui des chariots. Ainsi il nous menait par des lieux où nous étions souvent contraints de descendre, et par des précipices où notre chariot était quelquefois comme suspendu en l'air, que si nous prenions des guides, lorsqu'ils nous avaient conduits jusqu'au lieu dont ils savaient le chemin, pour peu qu'ils en rencontrassent de mauvais, ils nous quittaient en disant qu'ils avaient affaire ailleurs. La chaleur était si violente, que nous avions beaucoup à souffrir avant que d'arriver où nous devions nous arrêter, et souvent, après avoir bien marché, il nous fallait retourner sur nos pas, parce que nous nous étions égarés. Tant de traverses me donnaient une grande peine pour le bon Ribera, mais, quant à lui, il ne me parut jamais en avoir. Je ne pouvais assez m'en étonner, Assez loué Dieu de faire voir un science vertueux et ecclésiastique que lorsque la vertu a jeté de fortes racines dans une âme, elle ne trouve rien de difficile, ni assez remercier son éternelle majesté de nous avoir tirés de ces mauvais chemins. Nous arrivâmes, la veille de Saint-Barthélemy, à Saint-Joseph de Ségovie où nos sœurs nous attendaient, et étaient en grande peine de notre retardement. Il ne se peut rien ajouter à la joie avec laquelle elles nous reçurent, Dieu ne me faisant jamais rien souffrir qu'il ne m'en récompense aussitôt. Je m'y reposai plus de 8 jours, et cette fondation se fit avec toute la facilité imaginable. Ainsi j'en revins très contente, parce que Dieu y a bien servi, et qu'il y a sujet d'espérer de son assistance que ce bonheur continuera. Qu'il en soit béni et loué. Ainsi soit-il. Fondation du premier monastère de Saint-Joseph de Sainte-Anne, à Burgos. Markendanarchive.org, d'après, abbaye Saint-Benoît.ch, Thérèse d'Avila Fondation PDF, licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial partage à l'identique.